Voici un communiqué publié le vite courant lors de la conférence des présidents des comités communs de la Nation du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin. En voici le résumé. Au milieu de la grande attente et du grand intérêt de l'intérieur et de l'extérieur du pays, s'est déroulée du 7 au 8 février une conférence des présidents des comités communs de la Nation du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour l'application de la déclaration conjointe du 15 juin à Shenyang, Chine. On y a discuté des problèmes pratiques pour améliorer cette année qui marque les 45e et 10e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 4 juillet et de la déclaration du 4 octobre, les rapports Nord-Sud unissant les forces de toute la nation et ouvrir une nouvelle époque de la nation pour la réunification indépendante. 1. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de respecter les accords conjoints de la Nation, comme les trois principes de la réunification de la patrie et autres déclarations du Nord et du Sud, et sur cette base, de s'efforcer pour les réconciliations et unités de la Nation, afin de promouvoir dynamiquement la paix et les rapports intercoréens. 2. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de livrer vigoureusement diverses activités pour dissoudre la tension militaire et le danger de guerre dans la péninsule coréenne et consolider le système pacifique durable et solide. 3. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de réaliser le va-et-vient, la rencontre, le dialogue et l'échange entre diverses couches du Nord, du Sud et d'Outre-mer. Et pour livrer activement le mouvement de réunification au niveau pan-national, il a fixé l'espace du 15 juin au 4 octobre comme période de commémoration de la déclaration Nord-Sud. Sur ce, à l'occasion du 15 juin, du 4 juillet, du 15 août et du 4 octobre, il organisera diverses cérémonies communes de la nation au Nord, au Sud, notamment Pyongyang et Séoul. 4. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé d'accomplir à coup sûr son rôle prépondérant et d'avant-garde pour réaliser cette année le grand rendez-vous pan-national où participeront tous les partis politiques, formations, y compris les autorités du Nord et du Sud, et les compatriotes coréens de divers milieux du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour ainsi ouvrir la deuxième époque de réunification du 15 juin. 5. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de s'efforcer dynamiquement pour que les rendez-vous de réunification, les cérémonies sportives et culturelles, les séminaires comme la compétition de football de réunification des ouvriers du Nord et du Sud, la cérémonie culturelle et folklorique pour la réunification des paysans du Nord et du Sud, le grand rendez-vous de réunification des jeunes étudiants et la conférence des représentantes des organisations des femmes du Nord, du Sud et d'Outre-mer, la rencontre des croyants du Nord et du Sud, le pèlerinage des hauts lieux historiques du mouvement pour l'indépendance anti-japonaise soit organisé fructueusement. 6. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de réaliser divers échanges sportifs et culturels à l'occasion de la compétition de football asiatique féminine de 2018 et des 23e Jeux olympiques d'hiver. 7. Le Comité commun de la Nation du 15 juin a décidé de livrer plus dynamiquement les activités de solidarité pour que le Japon présente les excuses et indemnise ses crimes commis dans le passé contre la nation coréenne et assure les droits démocratiques aux résidents coréens dans son pays.